On va regarder un peu ce matin. On continue la série sur le Notre Père. Il nous reste deux shots. Aujourd'hui, on va parler des dettes. Et puis, la liturgia va être sur... C'est ça, le Dieu qui délivre. C'est ça, la délivrance. On va se délivrer. On va se délivrer ou se livrer, ça dépend. C'est dépendamment du genre de coup qu'on a fait. T'sais. Soit on est libre ou ben non, on se livre. Donc, c'est ça. Ça fait que la dernière fois, on a regardé un peu le Notre Père. Hein, donc, on est dans la série du Notre Père. On a regardé l'humilité. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. L'humilité. Le nom de Dieu, c'est lui. On a regardé l'espérance, que ton règne vienne, je veux te voir là. On a regardé l'obéissance, que ta volonté soit faite. Je veux obéir, voir ta volonté. Et puis, on a regardé aussi la dépendance. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde... la repentance. Parler de « Seigneur, annule mes dettes ». Ce qui est difficile de prêcher sur le « Notre Père », c'est que c'est un texte qui est surenseigné. On l'utilise, on le connaît, il n'y a pas un être sur Terre qui ne connaît pas le « Notre Père ». Peu importe où ce que tu es, sa planète, t'en as entendu parler quelque part. Que tu pratiques n'importe quelle religion, c'est une prière qui est connue, qui est entendue et ainsi de suite. Donc, nous, en tant que chrétiens, on l'a entendu et surentendu. Vous pourriez tous, je suis certain, ce matin, être devant et parler du Notre Père. Fait que c'est compliqué de faire une série sur le Notre Père et d'être rafraîchissant, d'avoir quelque chose de nouveau à dire. Parce que il y en a tellement de choses. Donc, l'humilité, l'espérance, l'obéissance, la dépendance, la repentance, c'est toutes des choses qu'on connaît. C'est une manière traditionnelle d'enseigner sur le Notre Père. Il n'y a rien de nouveau dans ça. Fait que je vais tenter quelque chose de nouveau. Peut-être que vous l'avez déjà vu, lu, dû. C'est fatiguant, ça? OK? Vous l'avez peut-être, c'est peut-être pas nouveau pour vous, mais pour moi, quand je l'ai vu comme ça, c'était nouveau. J'étais comme, wow, le Notre Père a pris une nouvelle manière, quelque chose de nouveau pour moi. Et c'était rafraîchissant. J'ai utilisé ce petit livre. En français, ça dit 57 mots qui ont changé le monde. Pourquoi? Parce qu'en grec, le Notre Père, c'est 57 mots. Tout aligné, pas de virgule, pas de point, pas d'espace. Hein? C'est 57 mots. Et c'est ça le Notre Père en grec. 57 mots qui ont changé le monde. C'est un ami de Winnipeg où je lui disais, je prépare une série sur le Notre Père, puis il me dit, lis ce livre-là. Puis je l'ai acheté, et puis je vous le conseille. Si vous êtes capable de lire en anglais, ça vaut vraiment la peine. C'est un excellent livre. Jésus nous a enseigné à prier, comment prier. Les disciples ont demandé, enseigne-nous, comment tu fais, comment faire. En réalité, Jésus ne nous a pas juste enseigné à prier, il nous a légué l'arme la plus puissante qui existe. Il n'y a rien qui nous a été donné par Jésus de plus puissant que le Notre Père. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Avant, j'aimerais prier. Seigneur, je veux premièrement te remercier. Te remercier pour ta communauté, pour ton Église. Te remercier pour le monde dans lequel on est, qui a besoin de toi, qui a besoin de voir qui tu es. Je veux, Seigneur, te voir à l'œuvre autour de moi. Et je te remercie de ton œuvre. Merci de tout ce qui a été partagé déjà ici ce matin. Merci de nous donner des outils pour t'adorer, des outils pour t'entendre, te comprendre, te connaître. Et Seigneur, je veux te connaître davantage. Apprends-moi à m'approcher de toi, à te connaître davantage. Est-ce que vous avez déjà pensé que le Notre Père pouvait être une série de prières au lieu d'une seule? Une série de manières de prier au lieu d'une seule. Bien sûr, l'attitude d'humilité, d'espérance, d'obéissance, de dépendance, elle est nécessaire. Mais elle est nécessaire dans toutes les prières. C'est ça, en réalité, prier, hein? C'est de dire, je ne suis pas capable, peux-tu t'en occuper? Hein? Grosso modo, c'est à peu près ça la prière. L'intercession, c'est de supplier, pas pour moi, pour quelqu'un d'autre. Et prier, c'est de reconnaître mon incapacité de faire quelque chose et de lui demander de le faire. Mais est-ce qu'on pouvait voir le Notre Père comme une série de prières? Une série de prières avec un point central, un point en commun pour toutes ces prières-là, sur la terre comme au ciel. Une série de prières qui disent, Seigneur, tout comme au ciel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit reconnu, qu'on sache que tu es Dieu, parce qu'au ciel, tu es reconnu. Sur la terre, on voudrait que ça soit pareil. Quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, waouh, l'ennemi est bon. Bon dans le sens efficace. Pas bon dans le sens de bon, gentil. Mais efficace. Pourquoi? Parce que s'il y a une chose qui est compliquée dans notre société, c'est de faire reconnaître que Dieu existe. Et ça, c'est la première phrase du Notre Père. Qu'on reconnaisse ton nom, qu'on sache que tu es Dieu. Et l'ennemi a réussi à non seulement nous faire croire que Dieu n'existe pas, mais que lui non plus. On pourrait dire, ouais. Ben, on a quand même un certain rôle à jouer dans ça, mais malgré ça. Seigneur, que ton nom soit reconnu pour Dieu, tel qu'il est au ciel, qu'il le soit sur terre. Que ton règne vienne, que je puisse voir autour de moi mes amis, mes frères, mes collègues de travail, mes collègues d'école, mes amis d'école, mes compétiteurs, moi je suis en affaires, que je puisse voir ton règne dans leur vie. Parce que au ciel, tu règnes, règne ici dans leur vie aussi. Sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite. Qu'ils puissent, Seigneur, voir, que je puisse voir autour de moi, dans mon voisinage, dans mon église, ma communauté, ma famille, ta volonté s'accomplir, telle qu'elle est au ciel, qu'elle le soit ici. Seigneur, au ciel, personne manque de rien. Au ciel, Seigneur, je n'ai pas besoin de demander à manger. Seigneur, donne-moi tout ce que j'ai besoin aujourd'hui sur la terre, comme ça l'est déjà accompli au ciel. Annule mes dettes. On va élaborer un peu plus sur ce sujet-là. Pardonne-moi, parce qu'au ciel, je suis déjà pardonné. Sur la terre, comme au ciel. Délivre-nous du mal, on va voir ça le 29. Sur la terre, comme au ciel. C'est déjà tout accompli au ciel. La parole dit que nous siégeons maintenant avec lui au ciel, mais on a les deux pieds sur terre. Sur la terre, comme au ciel. Donc, une série de prières qui a un point commun, un point central, sur terre comme au ciel. Un mouvement, toi, toi, toi, nous, nous, nous. sur terre comme au ciel. Ce qui est intéressant, c'est le Notre Père, les trois premières, toi, toi, toi, sont des impératifs. Ce n'est pas des veux-tu, s'il te plaît. C'est fais ça. Que ton règne vienne. C'est un ordre que je donne à Dieu. T'sais, il me semble que. Je suis dit là. Mais non, mais c'est Dieu qui me dit, prie comme ça. C'est Jésus qui m'enseigne à dire à Dieu que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-moi. Et pourquoi? En réalité, je ne suis pas en train de donner un ordre à Dieu, je suis en train de dire, fais ce que tu fais d'habitude. Tu veux-tu le faire? Je veux que tu le fasses, s'il te plaît. Mais ça lui plaît, fait que je n'ai pas besoin de rajouter le s'il te plaît. Je sais que ça lui plaît. Hein? Donc, c'est ça la beauté du Notre Père, la puissance qu'il y a derrière ça. Imaginez... Qui a vu le film, le dernier Transformers? Transformers? Non? Non? Ça fait rien, ça ne dérange pas. C'est vraiment, ça n'a vraiment rien à voir. Mais en réalité, il y a quelque chose que les autres sont en train de faire. Hein? L'ennemi dans ça, les Megatron et sa gang. Okay? Eux autres, ce qu'ils essaient de faire, c'est d'importer leur planète sur la nôtre. OK? Mais ce que ça va faire, c'est détruire notre planète, forcément. Okay? Donc là, il y a l'autre gang, hein, les Autobots, qui vont les battre et puis qui vont empêcher cette affaire-là. Okay? Mais là, nous, ce qu'on prie, c'est « Seigneur, amène ton règne. Amène le ciel sur la terre. Amène-toi parmi nous. Et que ce qui est naturel au ciel et surnaturel pour nous devienne naturel ici. » Donc, ça serait simple de dire à Zacharie, marche. De dire à Bérangère, pas besoin d'être en dépression. On n'aurait pas besoin d'avoir de programme de décrochage scolaire. On n'aurait pas besoin de faire la grève pour avoir une meilleure société. Parce que son règne serait ici. Donc, ça, c'est la puissance derrière le Notre Père. Maintenant, ça prend plein de choses à travers ça. Je ne dis pas que c'est facile à faire et puis que, tu sais, puis c'est pas magique, là, hein, c'est, OK, puis là, demain matin, on va tous se mettre à genoux en train de prier notre Père. C'est pas, je ne suis pas en train de dire ça, je suis juste en train d'imaginer que si je pouvais simplement, avec humilité, espérance, voir Jésus en train de faire ça. Comment ça serait merveilleux. C'est le fun, les iPads, mais ça s'éteint. Donc, gardons ça en tête. En tout cas, pour moi, ça, c'était nouveau. Je n'avais jamais vu Notre Père comme ça. Gardons en tête que le point central, c'est Seigneur, sur la terre comme au ciel. Annule mes dettes. Pourquoi est-ce que j'utilise le mot annule mes dettes au lieu de pardonne-nous nos offenses? Parce que notre traduction traditionnelle, le Notre Père que Nico nous fait prier à toutes les fois qu'il vient ici, c'est pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En réalité, le mot en grec qui est utilisé là, je vais vous le dire, mais je ne connais pas le grec, je ne l'ai pas lu, c'est vraiment un commentaire qui dit ça. Je n'ai même pas l'intention de dire ça pour tout ça. Ça ne se lit pas pour un dyslexique, c'est très compliqué. Donc, le mot qui est utilisé là est un mot qui vient du monde du commerce. Le mot grec qui est utilisé vient du monde du commerce, pas du monde religieux, mais vraiment du monde du commerce. Et il a un champ sémantique très grand. Un champ sémantique, ça veut dire différentes significations. OK? Et c'est large. Il a pour sens quelque chose que nous avons, quelque chose que nous devons, quelque chose que nous devons faire, une tâche, une corvée, une obligation de donner ou de payer. Ça, c'est le mot qui est utilisé en grec que nous avons traduit par offense. OK? Mais une offense, ben, ça peut faire la job dans un contexte religieux qu'on connaît, le christianisme, pardonne-nous nos péchés. OK? Oui, c'est vrai, mais le mot qui est utilisé là a beaucoup plus le sens de dette que de péché dans le sens tel qu'on le connaît. Mais quelle est la nature de cette dette? Parce qu'on pourrait, effectivement, là, hein, ça fait un peu comme un synonyme, hein, offense, dette, péché, c'est vrai. Mais si tu vas voir ton banquier puis tu dis, tu voudrais-tu, s'il te plaît, je vais faire un paiement sur mon péché, il va te regarder des croches. OK. Ou si tu vas voir ton banquier et tu lui demandes de te pardonner toute ta dette, il va te regarder croche aussi, OK? Donc, mais pourtant, c'est ça, là. Jésus est en train de dire, pardonne-nous mon hypothèque. Hein? Efface ma dette, efface mon hypothèque. Ça serait merveilleux. Moi, je serais très, très content que ça arrive. Origène a défini, Origène, c'est un des pères de l'Église qui a existé de 185 à 250 à peu près. Okay? Et il a donné trois, on l'a catégorisé, on pourrait dire, cette nature, cette valeur de la dette-là. Okay? La première, c'est une dette que nous avons envers nos contemporains, les enfants, nos parents, les hommes et les femmes qui nous entourent. Qu'il soit en autorité ou non. C'est une dette parce qu'il est écrit « Aime ton prochain comme toi-même et comme Christ l'a aimé. » Et on a une dette à ce niveau-là parce qu'on n'y arrive pas. Puis, c'est juste un constat. Il n'y a pas de culpabiliser. Il ne faut pas culpabiliser de ça. C'est juste un fait. On a de la misère, hein, à aimer tout le monde. OK? C'est pas simple, là. La deuxième est une dette envers nous. Notre corps, afin de ne pas en abuser. Prendre soin du temple de Dieu. Notre esprit, notre pensée, notre intelligence, qu'on puisse l'affûter pour qu'elle soit de plus en plus aiguisée et ben, qu'on devienne plus intelligent. Hein? Toujours plus affûté. Notre âme, de la surveiller afin de vivre dans la sainteté. C'est comme ça qu'il a défini ça, la deuxième dette. La troisième dette est celle que nous avons envers Dieu. De l'aimer de tout notre cœur, notre force et notre pensée. De lui faire confiance en tout et pour tout. Donc, la nature de la dette se situe à ces trois niveaux-là. Envers moi, j'ai une dette envers vous et j'ai une dette envers lui. Je vois Lisette, là. Et en 98, avec Daniel, son époux, on a commencé un projet d'église qui s'appelait la Communauté de réconciliation de Montréal, qui avait pour but de travailler à la réconciliation à ces trois niveaux-là. Se réconcilier avec nous, se réconcilier avec Dieu, se réconcilier avec nos contemporains. Et ça, c'est la valeur de la dette qu'on a. La nature. Origène dit, « Pendant notre vie terrestre, il n'y a pas un seul jour, nuit ou jour, que nous ne sommes pas endettés. » Ça l'a... On pourrait penser, tu sais, que c'était prévu comme ça, que, hein, on est dans un contexte économique pas mal compliqué où les Canadiens sont de plus en plus endettés et puis on en a. Mais on ne parle pas de dette financière, quoique ça pourrait aussi s'appliquer. Seigneur, annule ma dette, mes dettes. Ceux que j'ai envers mes contemporains, que j'ai envers moi-même et que j'ai envers toi. S'il vous plaît, annule mes dettes. Et lorsqu'on fait cette prière, guess what? Il fait. Il l'a fait. Il efface la dette. C'est aussi simple que ça. Certains vont dire, ouais. Oui, mais non, c'est aussi simple que ça. Et pourquoi? Merci, Denise. Je ne l'avais pas prévu, mais moi, on va le réutiliser. Le texte qu'on a lu ce matin sur Pâques. Parce que, grâce à, ça s'en vient là, grâce à Jésus, parce que lui, à la croix, il a payé cette dette-là pour moi. Quelqu'un a dit, Jésus est venu payer une dette qu'il n'avait pas parce que nous avions une dette que nous ne pouvons pas payer. La dette est tellement grande que s'il fallait les aligner en rangée d'oignons, on n'en finirait plus de creuser. La dette est tellement grande que si on ajoutait nos listes, cette liste, le jardin grandirait encore. Ça serait la terre entière, le jardin. Ma dette est tellement grande que la terre est une vallée de larmes. Ça, c'est ma dette à moi. Mais Jésus est ressuscité. Et ça me permet de prier puis de dire, Seigneur, efface ma dette, efface mes dettes, avec humilité, reconnaissance, simplement. Maintenant, le Notre Père dit, efface mes dettes comme j'efface ceux qui ont des dettes. Les dettes de ceux qui en ont envers moi. Ça, c'est la partie plus compliquée un petit peu, surtout dans le monde dans lequel on vit. Hein? Parce que là, on rentre dans le « Ouais, mais si je le fais pas, hein? Je vais-tu être pardonné pareil? Hein? » On pourrait dire ça. Hein? Luc et Matthieu, Jésus explique ça un petit peu plus loin après le Notre Père en disant « De toute manière, si vous le faites pas, Dieu le fera pas. » C'est comme ça que c'est écrit là. OK? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a quelqu'un dans notre groupe le vendredi qui culpabilisait parce qu'elle n'arrivait pas à faire ce pardon-là, puis elle disait que Dieu ne la pardonnait pas. Parce que c'était écrit comme ça. Puis qu'on l'avait enseigné comme ça. Puis moi, je ne m'étais jamais rendu jusque-là. Ben, j'avais passé par-dessus ben, des fois, mais... Hein? Là, elle m'a comme intrigué, là. Hein? Comment on peut enseigner quelque chose de même, tu sais? Mais c'est écrit. Hein? C'est écrit noir sur blanc comme ça. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. C'est ça qui est écrit. C'est compliqué. Ce qu'on demande à Dieu, c'est la justice, le mal qui m'est fait. Si on me vole, je demande justice. Si on m'agresse, je demande justice. Ce que je veux, c'est qu'il soit rendu à l'autre ce qu'il m'a pris. L'Ancien Testament dit œil pour œil, dent pour dent. Hein? Qu'on remette. Il y a la justice, il y a la miséricorde et il y a la grâce. La justice, je demande à Dieu de me remettre ce qui me revient, de me donner ce que je dois. Hein? C'est ça la justice. La miséricorde, c'est je demande à Dieu de ne pas me faire payer ce que je devrais payer, de ne pas me donner ce qu'il me doit. La grâce, c'est que Dieu me donne ce qu'il ne me doit pas. Et nous, souvent, on demande justice quand il nous est fait du mal. Et on a de la difficulté avec la miséricorde et beaucoup avec la grâce. On est à peu près capable de miséricorde et très difficilement capable de grâce. C'est normal, là. C'est pas simple. Là. Mais avec Jésus, en s'appuyant sur Dieu, en dépendant de Dieu, c'est possible. Je crois que c'est possible. Je le crois parce que je l'ai fait. Mais c'est pas simple, c'est long. Et dépendamment de la nature de l'offense qui nous a été faite, ça va prendre plus de temps. Et Dieu est lent. Il prend son temps. Ce que j'aimais, on est en train de refaire le shack le vendredi chez moi. On repasse à travers le shack. Et puis, je me souviens d'une conversation que Mac a avec Jésus. Puis Jésus qui dit à Mac, « Ça dérange pas, man. Prends tout ton temps pour revenir à nous. Parce que nous autres, on a tout notre temps. » Dieu, oublions pas, il est éternel. Donc, on peut prendre notre temps. Et Dieu ne va pas retenir ses bénédictions sur nous parce qu'on a été blessé et qu'on a de la difficulté à pardonner, parce qu'on demande justice. C'est normal, ça, quand il nous est fait du mal, qu'on demande justice. L'étape suivante, c'est qu'on prie la miséricorde. Jusqu'à ce qu'on demande la grâce. Si on savait que le pardon avait pour but de libérer quelqu'un d'un prisonnier de la prison, si on savait que le rôle du pardon, c'est de libérer un prisonnier et de le rendre libre, et si on savait que ce prisonnier-là, c'est nous, on pardonnerait plus rapidement. Mais des fois, on a de la difficulté à intégrer ça. Ce que nous voulons, c'est la justice. Là, il va falloir mettre des Kleenex, là, parce que moi, je risque de me mettre à pleurer pour raconter ce que je vais raconter là. Donc, en me pratiquant, ça arrivait. Fait que j'imagine que là, ça va être pire. Donc, pour ceux qui me connaissent, les fois à laquelle j'ai donné un peu mon témoignage, vous savez que j'ai subi quelques difficultés dans ma vie. J'ai subi des agressions sexuelles à répétition de l'âge. On va arrêter ça là tout de suite. De l'âge de 7 ans à l'âge de 16 ans. Le pire, c'est à l'âge de 15 ans. Moi, je suis une victime de ce qu'on appelle... en réalité, dans mon temps, moi, l'Internet n'existait pas. Hein? Peut-être que vous ne le saviez pas, là, mais moi, je l'ai vu naître, l'Internet. Hein? La plupart d'entre nous, ici... Hein? Donc, l'Internet n'existait pas. Donc, chez moi, mon père, c'est un camionneur, il a une radio CB, et puis moi, j'aime ça communiquer, puis tout ça. Donc, je m'achète une radio CB, j'ai une base à la maison, puis je communique sur la CB. Hein? Puis, j'ai mon permis du CRTC pour opérer ma base, et puis on appelle ça le call sign, mon numéro, carte d'appel, et puis j'ai un nom et tout ça. Puis je communique, j'ai des amis là-dessus, puis ainsi de suite. Hein, c'est comme ça que j'ai des amis. C'est comme ça que j'ai rencontré Lynn sur un accident de CB. Hein? Il y a un gars qui est allé installer une antenne, puis son antenne a touché le fil électrique. Ça l'a emmené pas mal de monde, c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc, on communique avec ça et tout ça, puis là, il y a un homme qui commence à me faire des compliments. À me complimenter sur ma manière de parler, puis comment est-ce que je respecte les règles, et puis ainsi de suite. Et puis là, il donne rendez-vous, puis il vient à la maison, il se met ami avec ma mère, puis il se met ami avec tout le monde, puis il est fin, puis il y a tout ça, tout est beau. Puis là, c'est un gars qui fait de la graphologie. Il était dans le temps, au Québec, quand on arrivait en cours, au lieu de faire un détecteur de mensonges, on utilisait une méthode où on analysait l'écriture. C'est encore pratiqué en France, où on analyse l'écriture. Et ça prend, un genre de diplôme. Mais lui, il faisait ça, la graphologie. Puis là, tu prends ta signature, puis il analyse, puis il te fait une analyse de personnalité à partir de ton écriture. Il faisait ça. Mais là, tu sais, quand tu vis dans un monde un peu ésotérique, ma mère, elle se faisait tirer les cartes, et puis whatever. Moi, je dis tirer les cartes, c'est ça? Tirer aux cartes, ou je ne sais plus comment ça. Donc, moi, j'ai tiré les cartes. Et puis, donc, ça, c'était génial. Et puis là, lui, hein, il a réussi à embarquer tout le monde dans ça. Et puis, à un moment donné, je suis allé coucher chez lui. Et c'était fait. À 15 ans, tu peux pas dire non. C'est juste pas possible. Arrête, là. C'est difficile et je m'en suis voulu toute ma vie, jusqu'à l'âge de 40 ans à peu près, juste 2 ans de ça. 39 ans, 40 ans autour, où il y a un moment donné, il fallait que j'aille voir un psychologue parce que c'était trop compliqué. Hey, c'est fatiguant, ça. Le mal, le mal que ce gars-là a fait s'est répercuté sur ceux que j'aime, sur ma famille, mes enfants. Donc, malgré le fait que j'avais appris à pardonner, le mal était toujours là. C'était juste pas sortable. Je pensais. Mais je l'avais fait. J'avais pardonné. J'avais whatever. C'était juste trop compliqué. La nature du mal fait que c'est long. Est-ce que Dieu avait retiré son pardon parce que j'arrivais pas à pardonner Gaston Souci? Non. Non, pas du tout. C'est ça la beauté de la miséricorde et de la grâce de Dieu. De pouvoir apporter le pardon. Je n'ai pas besoin de lui dire. En réalité, ce que je dis à Dieu, c'est je ne peux pas venir à toi et te demander pardon sans que moi j'accorde le pardon. Donc, je te demande pardon et donne-moi la capacité d'accorder le pardon. Donne-moi la capacité de me libérer de ce mal-là. Brise mes chaînes. Délivre-moi. Ou plus rien, moi, là. Dieu, applique ta grâce. Applique ta grâce, s'il te plaît. Applique ta grâce à cette personne-là aussi. Donc, paye mes dettes. Efface toutes mes dettes. À chaque jour, efface mes dettes. Le mal que je fais à mon corps, à mes amis et à toi. Efface mes dettes parce que j'ai de la difficulté à aimer. Efface mes dettes parce que je ne prends pas soin de ton temple. Efface mes dettes parce que je ne te fais pas confiance comme je devrais te faire confiance. Élimine ça de ma vie. Il y a la Pâque, s'il y a l'hiver, il y a le printemps. Il y a la déprime, il y a l'espoir. S'il y a la mort, il y a la vie. Au cœur de nos doutes, il y a Jésus, la vérité. Au cœur de mes égarements, il y a Jésus, la voix. Au cœur de mes nuits, il y a Jésus, la lumière. Au cœur de mes morts, il y a Jésus, la vie. Pour conclure, j'aimerais juste qu'on fasse un exercice ensemble. On va juste fermer les yeux et je vais vous inviter à voir cette personne, juste une, que vous avez du rush, de la misère, de la difficulté, du... Hein? Peu importe, à pardonner. Voyez-la. Et dites-lui à Dieu comment vous aimeriez la voir pourrir en enfer. Puis vous en faites pas, Dieu, il est déjà au courant. Il connaît vos émotions, il connaît tout ça. Prenons juste le temps de le dire. Voyez-la, le. Dites-lui. Imaginez une colline, une montagne sur laquelle il y a une croix. Vous êtes au bas de cette montagne et vous montez la montagne jusqu'à la croix. Et à la croix, vous dites à Jésus, « Seigneur, je veux pardonner. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Efface ma dette. Je veux aimer. Aimer mes contemporains. Je veux te faire confiance. Dépendre de toi. Je veux m'aimer. M'apprécier. Me reconnaître pour qui je suis. » Maintenant, regardez derrière vous, en bas de la montagne. Il y a cette personne-là que vous avez de la difficulté avec. Descendez la colline et allez la voir. Et remontez la colline avec elle jusqu'à la croix. Et rendu à la croix, dites à Dieu, Seigneur, fais-lui ce que tu m'as fait. Et entendez Jésus dire, je le fais. Et sache que tu n'es jamais aussi près d'être comme moi que lorsque tu pardonnes. Merci Seigneur pour ton pardon. Merci Seigneur parce que au ciel, tout est déjà pardonné. Seigneur, apprends-moi à pardonner ici sur terre, à aimer inconditionnellement, à aimer peu importe qui est là devant moi. Seigneur, apprends-moi à m'aimer, à m'apprécier. Tel que tu me reconnais, tu m'apprécies. Apprends-moi à dépendre de toi, à être plus près, toujours plus près de toi, que je puisse moi aussi pardonner. Parce que la dette qui m'a été pardonnée est grande. Je veux aussi pardonner. Sois béni, Jésus. Merci pour ton pardon, pour ta grâce dans ma vie. Amen. Bonne semaine.